ça fait mal, comme le dernier baiser de Judas. Ça fait mal, comme un baiser que tu prends en pleine face. Ça fait mal, comme un Boeing dans une tour de glace. Ça fait mal, comme le dernier baiser de Judas. Est-ce que je peux m'en sortir dans cette vie de chien? Est-ce que je peux m'en sortir? On verra bien. CGI, les mecs qu'ils prennent pour un chien sont finis, tombés, on verra bien demain. Je vais pointer à la NPE, mais tu sais que pour un négro, c'est dureux. Alors, il faut que ça dure, il faut que je m'entraîne à passer ma face. Je suis pas un étranger, je suis pas un terroriste. On me regarde comme si j'étais Ben Laden. T'es fou, y'a pas de haine dans mes yeux, y'a pas de haine dans mon cœur. Tu sais que JLI et je te fais pas peur. Je te fais pas peur. Une fois de plus, l'énigmatique nommé X. J'ai la vénère en bloc, quelques lyrics.